Alors, bonjour tout le monde. Comme vous savez, nous faisons une série de messages sur 1 Pierre. Aujourd'hui, nous en sommes au quatrième message de notre série. Et avant de lire le passage, je voulais quand même situer ce qu'on a vu les dimanches d'avant et ce qu'on va voir dans les messages suivants. Alors, le texte, c'est 1 Pierre 2, versets 4 à 12. Avant notre passage, nous avons Pierre qui explique l'Évangile. Il va décrire qu'avant la création du monde, Jésus avait été prédestiné avant la fondation du monde, il dit, Dieu avait prévu d'envoyer son fils Jésus vivre parmi les hommes une vie parfaite, la vie qu'on aurait dû vivre, de mourir sur une croix à notre place et être ressuscité par Dieu pour le pardon de nos péchés. Tout ça est décrit avant. Aussi avant notre passage, l'apôtre Pierre explique comment nous en sommes arrivés à croire. C'est ce qu'on a vu dimanche passé, pour Pâques. Notamment, on est arrivé à croire par la prédication de la parole vivante et permanente de Dieu. Après notre passage, qu'est-ce qui arrive? Pierre deviendra plus pratique, entre guillemets. Moi, je trouve que le premier chapitre est très pratique. Il suffit de voir. Mais il deviendra encore plus pratique. Il parlera des souffrances des croyants, de leurs souffrances aux mains des autorités, de leurs voisins, de leurs membres de la famille qui ne connaissent pas encore Jésus ou qui ont rejeté Jésus. Et peut-être vous aurez remarqué que la souffrance, parce qu'on dit souvent, hein, 1 Pierre, c'est l'épître sur la souffrance. Pour l'instant, on n'a pas vu la souffrance, hein. Le mot n'a pas encore été utilisé. Seulement au verset 6, où Pierre dit, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est la seule mention. Mais ensuite, il y aura une dizaine de fois où le mot souffrance va apparaître. Pour l'instant, rien. Alors, c'est important à comprendre parce que j'ai expliqué déjà le sens du texte avant qu'on le lise, hein. Pierre va nous donner ici les fondations d'une vie qui accepte la souffrance. Il va nous expliquer, voilà, si vous avez ça, le reste, vous pouvez suivre, vous pouvez endurer le peu de temps qu'il faut souffrir. Et en vue du meilleur qui est à venir. Alors, on va lire le texte. Je ne sais pas si vous l'avez mémorisé. Moi, j'étais obligé, hein, donc je l'ai fait. Heureusement, sinon, je n'aurais pas fait. Moi, je vous l'encourage. C'est un super moyen de retenir, de comprendre et de batailler avec le texte. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi Pierre disait ça? Alors, bon, moi, je l'ai appris dans la version seconde 75. Donc, on va lire ensemble, hein. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 12. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre, la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez, au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alors on va prier et on va étudier ce texte. Merci Seigneur pour ta parole. L'évangile de la gloire de ton Fils. S'il te plaît, donne-nous ce matin des cœurs ouverts Tu vois qu'on est pécheurs et qu'on a besoin de ta grâce tous les jours. S'il te plaît, remplis-nous encore de ton esprit ce matin, qu'on puisse comprendre ce texte et l'appliquer dans nos vies. Garde-moi, s'il te plaît, de faire des erreurs. Garde-moi aussi d'aller trop loin dans les textes, mais garde-moi de ne pas aller trop assez loin non plus. S'il te plaît, rends-nous attentifs et rends-nous humbles pour qu'on puisse mettre en pratique cette parole. Je te demande ça au nom de ton Fils. Amen. Alors, c'est vraiment tout simple. C'est vraiment tout simple. On va essayer de s'accrocher au texte. 1 Pierre 2, 4 à 12. On va voir deux points. L'un est plutôt court. Ben, on va voir deux points. Le premier est plutôt long. Le deuxième est tout court. C'est presque une conclusion. Et dans le premier point, donc le premier point, c'est les réactions possibles face à Jésus. Et il y a deux réactions possibles, hein, très clair. La négative sera assez courte. La positive, Pierre détaille et explique tout ce qui est dans une acceptation de Jésus, tout ce qu'on on met dedans. Et là, on va passer pas mal de temps. Et ensuite, dans le deuxième point, on va voir la mission du chrétien. D'accord ? Alors, commençons. Verset 3. Approchez-vous de lui, pierre vivante. C'est qui la pierre vivante ? C'est très simple. C'est Jésus. Car juste avant, Pierre écrit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, point. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle, qu'on annonce jour après jour, si on est chrétien, qu'on prêche jour après jour, on vit dans la bonne nouvelle jour après jour, l'évangile est une invitation. Approchez-vous de lui. Dimanche dernier, on a appris comment nous étions nés de nouveau. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette bonne nouvelle de Jésus, le Messie mort pour nos péchés et ressuscité à tout jamais, est la parole que nous aussi nous avons entendue un jour si nous sommes nés de nouveau. Alors on peut en conclure par là que Pierre parle évidemment aux chrétiens. Il parle à ceux qui y croient et nous invite à nous approcher de Jésus. Pourquoi comparer Jésus à une pierre par contre ? Dans notre passage, Pierre cite de nombreux textes de l'Ancien Testament. Alors, il y en a 6. Ésaïe 28, 16, Psaume 118, 22, Ésaïe 8, 14, Ésaïe 43, 20 et 21, Exode 19, versets 5 et 6, Osée 2, versets 1 et 25. Et dans la moitié de ces passages, c'est-à-dire Ésaïe 28, Psaume 118 et Ésaïe 8, le Messie est comparé à une pierre par les prophètes, par le psalmiste. Et cette pierre va présenter deux cas. Soit la pierre nous encourage à nous approcher de cette pierre, mais il dit aussi que certains l'ont rejetée. Alors, lisons la suite du passage, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, approchez-vous de lui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, un saint sacerdoce, on peut aussi dire une communauté de prêtres, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, et un rocher de scandale, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Alors Jésus est comparé à une pierre de fondation, une pierre d'angle. Alors aujourd'hui encore, on célèbre, je sais pas s'il y a des... Moi j'ai travaillé un peu un été dans la maçonnerie, je sais pas si d'autres ont eu l'expérience. Encore aujourd'hui, quand on commence un bâtiment, on célèbre quand même la pose des fondations. Souvent, on met en place une pierre avec un texte fondé ou construction démarrée à telle date, si le maire était là ou des choses comme ça. Alors, la pierre d'angle, c'est une pierre de grande importance, surtout pour le maçon. C'était la première pierre posée, après quoi toutes les autres pierres seraient posées en fonction ou selon celle-là. Donc, on va choisir une bonne, la bonne taille. Et ensuite, toutes les autres, à gauche, droite, en hauteur, vont être mises selon cette pierre principale. Alors, je voulais illustrer ça un petit peu. Alors, on a beaucoup d'œufs à la maison. Alors, je ramène ça. J'expliquerai plus tard. Et on a quatre petits maçons. Ok? C'est des Legos. Alors, les voilà. Hop, il a la casquette à l'envers, le pauvre. Voilà. Alors, nos quatre petits maçons sont en train de se dire, mais punaise, il faut qu'on construise une maison. Mais ça va être chaud. Ça, c'est notre vie. Sur Terre, c'est un peu rugueux, c'est plein de péchés. Voilà. Comment est-ce qu'on va construire là-dessus? Il nous faut une pierre angulaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pourquoi je montre ça? C'est pour illustrer un petit peu quelque chose, pour qu'on puisse le garder, parce que franchement, le texte n'est pas super clair, moi je trouve. En tout cas, on cherche une pierre de fondation, et ces petits bonhommes ici cherchent une pierre de fondation, d'accord? Et le texte de la Bible, ici dans la pierre, décrit deux réactions, soit le rejet de la pierre principale, soit l'acceptation de cette magnifique pierre choisie et précieuse. Alors, première réaction, rejeter Jésus. Le texte qu'on a lu dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. » Et plus tard, il dit « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. » Rejeter la pierre n'a aucun sens. Pierre est très clair sur ce point. On le verra. Rejeter Jésus n'a aucun sens. J'ai un ami cette semaine qui m'a écrit, avec des sujets de prière, et il a dit quelque chose de tout simple et de très profond à la fois. Il parlait d'une discussion, il travaillait dans un supermarché, juste à remplir les rayons. Hein. Il abandonnait un peu l'idée même de pouvoir être un témoin. Parce que bon, on doit travailler, mais son chef de rayon appelle à la discute. Et puis, elle a des problèmes intellectuels. Pourquoi elle rejette Christ? Mais il a conclu, mais au fond, c'est jamais une raison intellectuelle. Pourquoi on rejette Jésus? Je pense qu'il a raison. Rejeter Jésus n'a aucun sens. Et on va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire à cette pierre? Alors, j'ai ramené une pierre. Justement, ça c'est de la pierre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont lui dire, les petits bonhommes Lego, quand la pierre angulaire Jésus arrive? Oh non, t'es trop beau. Oh non, t'es trop fiable. Oh non, t'es trop sûr. Ah non, t'es trop choisi. Oh non, t'es trop précieux. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Quand on compare Jésus, le Dieu éternel, qui se présente aux hommes et il est rejeté, c'est pas un choix rationnel de le rejeter. Quel meilleur choix que de faire de ça sa pierre angulaire et de bâtir à partir d'ici. Alors, la parole de Dieu dit, la Bible dit, pourquoi ils ont refusé de croire en Jésus. Dans ce texte, Pierre donne une raison pourquoi ils trébuchent et ne croient pas en Jésus. On va le lire ensemble, verset 8, 1 Pierre 2, verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, ou pour avoir désobéi à la parole. Vous souvenez, vous, on avait lu, puisque vous avez été régénéré, chapitre 1, verset 23, puisque vous avez été régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, ou annoncée par la bonne nouvelle. Ici, heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et Pierre va plus loin et il dit, et c'est à cela qu'ils sont destinés. La parole de Dieu, la merveilleuse bonne nouvelle que Jésus a accepté de venir sur terre, vivre une vie parfaite et mourir à notre place pour nos péchés. Cette bonne nouvelle, le non-croyant refuse d'y croire. Pourquoi ? Parce qu'il est destiné à ne pas croire. Ça vous surprend peut-être ? Mais c'est rien de nouveau pourtant. Souvenez-vous de Marc. On a fait une série sur l'évangile de Marc. Et Marc 4, 12, Jésus explique pourquoi il parle en parabole. Et il dit, pour ceux qui sont dehors, on peut le prendre ensemble peut-être ? Marc 4, verset 12. Marc 4, chapitre 4, verset 12. Pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. C'est Jésus qui parle. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. On revient à Pierre. Jésus a donc décidé, depuis la création du monde, que certains ne croiraient pas. Je sais, c'est effrayant pour certains. Mais on ne croit pas dans un Dieu apprivoisé, qu'on peut mettre en poche. D'ailleurs, j'aurais dû ramener un petit livre que j'avais trouvé au furet. Dieu en poche. Et c'était un livre à 2 euros par un mystique bouddhiste catholique qui racontait que voilà, son Dieu, c'est un Dieu qui met en poche, il le ramène partout. Alors bon, je peux comprendre, Saint-Esprit est en moi, donc ok, mais c'est super mystique, je l'ai lu, c'est n'importe quoi. On ne croit pas à un Dieu qu'on peut mettre en poche, à notre propre génie dans une lampe qu'on frotte à chaque pépin dans la vie et hop, ce petit Dieu apparaît. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui ? Non. Là, Pierre nous dit que Dieu a destiné certains à ne pas croire. Mais je vais vous surprendre peut-être, pour moi et pour vous, ça peut être une merveilleuse vérité que de savoir que c'est Dieu qui sauve. Alors, pourquoi ? Rappelez-vous, on a vu la semaine dernière, dans 1 Pierre 1, verset 21, que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. On avait vu la centralité de Dieu, que c'était Dieu qui faisait toutes choses. Est-ce qu'il y a une valeur sûre dans l'univers ? Bon, la bourse commence à se rétablir un petit peu en ce moment, mais on a vu que c'était vraiment le mauvais endroit pour placer sa confiance. Il y a une valeur sûre dans l'univers, c'est Dieu. Alors, quelle meilleure nouvelle que de savoir que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Et c'est exactement ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, chapitre 1, verset 2, nous sommes élus par Dieu. Chapitre 1, verset 3, Dieu nous a régénérés. Verset 5, par sa puissance, Dieu nous garde par la foi. Verset 15, Dieu nous a appelés. Verset 18, nous avons été rachetés par Dieu. Constat, on dépend de Dieu. Il nous a sauvés, c'est sa parole qui a retenti pour nous sauver de nos péchés. Et il nous faut ce grand Dieu, et je pense pour chacun de nous, si on croit en Jésus, ça peut être une merveilleuse nouvelle de savoir que ce n'est pas de notre décision, ça ne dépend pas de nos réactions, c'est Dieu qui nous a sauvés et il nous tient par la foi. Alors, deuxième réaction. Croire en Jésus. On a lu, celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Il y a donc une promesse. Si on croit en Jésus, on n'aura pas honte de notre choix. On a fait le bon choix. Pourquoi ? Parce qu'on a accepté ce qui est précieux et choisi par Dieu. Pierre va aller plus loin encore au verset 9. C'est pour ça qu'on passe plus de temps sur cette deuxième réaction. Il vient de dire que les non-croyants étaient destinés à ne pas croire, et maintenant, il parle des chrétiens en disant, verset 9, « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ce verset est un trésor. Il nous fait une liste de ce que nous sommes si nous plaçons notre confiance en Jésus et il explique pourquoi nous avons été sauvés. Alors, on va parcourir chaque point pour voir ce que nous sommes en Jésus-Christ. Vous, par contre, vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue. Dieu nous a choisis. Ce n'est pas par hasard qu'on a entendu la parole et qu'on a cru. On était élus par Dieu pour croire. Si tu crois en Jésus, ce n'est pas un hasard. Tel que tu es, avec tes faiblesses, tes handicaps, tes péchés ou tes défauts, Dieu t'a choisi. Magnifique. Deuxièmement, nous sommes un sacerdoce royal. Qu'est-ce que ça veut dire? Sacerdoce, c'est une communauté de prêtres. On ne parle pas de prêtres catholiques qui seraient entre un intermédiaire entre nous et Dieu. Nous sommes tous des prêtres. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il y a quatre passages qui disent que Dieu a fait de nous une communauté de prêtres. Tous les chrétiens sont des prêtres. On a libre accès à Dieu par Jésus-Christ. Et vous me direz peut-être, mais un prêtre, ça offre des sacrifices. Et nous, qu'est-ce qu'on offre comme sacrifice? On a vu, le texte disait, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. On va voir ça vers la fin. Troisièmement, nous sommes une nation sainte. Nous sommes, nous, les chrétiens, une communauté mise à part par Dieu. On est précieux pour lui. Tout ce verset pour les théologiens, donc tout ce qu'on voit ici, hein, pour les théologiens, indique que Dieu réserve aux croyants ce qui est réservé pour Israël. Parce que c'était toutes les promesses dans l'Ancien Testament, voilà ce qu'était Israël. Et aujourd'hui, il est en train de parler aux chrétiens de manière générale. Certains disent que Pierre écrivait aux Juifs, je ne suis pas convaincu. Oui, il parle de la dispersion, à tous ceux de la dispersion, mais il parle aux endroits où Paul vient de faire des voyages missionnaires. Ça semble plutôt, il parle à tous les chrétiens et il dit, voilà ce que vous êtes maintenant. Nous sommes une nation mise à part par Dieu. Quatrièmement, nous sommes un peuple acquis. Souvenez-vous, dimanche passé, nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre par le sang précieux de Jésus, mort sur la croix et ressuscité. Dieu a trouvé bon de nous racheter de notre esclavage et de faire de nous son peuple. Mais ne ratez pas la suite du verset. Alors 9 bis. Vous êtes un peuple acquis afin de ou afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il y a beaucoup dans cette phrase. Certainement des messages entiers auraient été faits par certains. Remarquez d'abord que Dieu nous a appelés. On continue dans cette lignée que le salut vient de Dieu. Dieu nous a appelés. Nous étions aveugles, perdus dans les ténèbres de notre vaine manière de vivre. On était perdus dans les ténèbres. Et Dieu nous a appelés. Appelés par quoi? Par sa parole vivante et permanente. Il a crié, viens! Écoute mon fils Jésus! Crois en lui! Et sois sauvé! Remarquez ensuite que Dieu nous a sauvés pour qu'on le glorifie. Il y a une raison. Afin que vous annonciez les vertus. Glorifier Dieu et être profondément heureux sont une paire. Glorifier Dieu nous rend heureux. Être heureux en Dieu le glorifie. Le psaume 118, d'où Pierre cite le verset précédent, est un exemple. On va le prendre plus tard. Le psaume 118, dans son contexte, est un psaume où l'auteur est dans la détresse. Et le salut vient de Dieu. On va voir ça après. Remarquez aussi que la lumière de Dieu n'est pas que lumière. C'est son admirable lumière. Alors que c'est juste des ténèbres à côté. Et c'est son admirable lumière. Son excellence, ses vertus sont partout. Même sa lumière est admirable par rapport aux autres lumières. Enfin, sommes-nous conscients des vertus de Dieu? Si on est sauvé afin qu'on annonce les vertus de Dieu, il faut qu'on les connaisse. Est-ce qu'on est captivé par les vertus de Dieu, par l'excellence de Dieu, par la valeur de Dieu, sa perfection? Alors c'est quoi la vertu de Dieu? C'est ce qu'il est. C'est Dieu. Parce que tout en Dieu est vertueux. Tout en Dieu est excellent. Il est l'être parfait. Sa justice est vertu. Sa grâce est vertu. Sa toute-puissance est vertu. Son omniscience, il connaît tout depuis toujours, est vertu. son éternité. Il est l'être incréé et vertu. Sa miséricorde est vertu. Sa sainteté est suprême vertu. Alors, relisons tout le verset. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce verset et le suivant annoncent quelque chose de grandiose. Jusqu'à présent, les non-juifs n'avaient pas d'espoir de connaître Dieu. Ils n'étaient pas le peuple choisi par Dieu. Israël était la nation sainte. Et Israël était profondément dégoûté par les nations païennes voisines. Loin d'eux l'idée d'aller dire aux autres nations comment être réconciliés avec Dieu. Pensez à l'histoire de Jonas, comment il résistait l'ordre de Dieu d'aller prêcher le salut aux Ninivites. Et voici que maintenant pour nous, Dieu nous annonce aujourd'hui, tous les croyants sont aujourd'hui le peuple élu, choisi, saint, précieux devant Dieu. Quelle belle promesse pour nous les croyants. Ça, c'est un verset à mémoriser. Vous, au contraire, vous n'êtes pas dans les ténèbres maintenant. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Mais ce texte pose une question. Si toi, tu te dis chrétien, tu te débrouilles comment en ce moment pour annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière? On va regarder ça aussi dans les applications concrètes à la fin, mais pensez-y. On parlait de mission ce matin, mais le chrétien est sauvé, sauvé des ténèbres, afin qu'on annonce les vertus, l'excellence de Dieu. Le verset suivant continue en rappelant notre situation passée. Vous avez été sauvés afin que vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, vous n'étiez pas un peuple. Ça vous rappelle quelque chose? Si Fred était là, il aurait tout de suite repéré. On avait vu cette même expression dans le livre d'Osée, où Dieu dit au prophète Osée, voilà, tu vas avoir une fille, ta femme prostituée va accoucher, tu vas appeler ta fille Lo Ami, parce que Israël n'est plus mon peuple. Ami, c'est peuple, Lo, c'est pas mon peuple. Imaginez le prénom que ça porte. Et voilà que Dieu nous dit à nous qui croyons maintenant, maintenant, vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes mon peuple. Alors on a donc deux choix. On clôture, il y a deux choix. Il y a rejeter Jésus qui mène à la mort, mettre sa confiance dans la pierre angulaire, Jésus, qui mène à la vie éternelle. Alors, comme je dis, c'est pas un vrai choix. Il faut être fou pour rejeter la pierre angulaire. Tout indique qu'on doit choisir cette pierre angulaire choisie et précieuse devant Dieu qui nous a sauvés afin qu'on annonce les vertus de celui qui nous a sauvés des ténèbres à son admirable lumière. Alors peut-être, en entendant ça, vous dites, à quoi bon savoir ça si c'est Dieu qui choisit qui est sauvé? Je ne peux pas choisir la pierre. Si moi, je doute de mon salut ou je ne suis pas chrétien, je ne peux pas le choisir. C'est pas comme ça que Dieu fait les choses dans la Bible. Je vais vous montrer la beauté de l'élection de Dieu. Si c'était par nous-mêmes qu'on croyait en Dieu, il n'y aurait pas d'espoir. Comme le dit Pierre, nous sommes tous aveugles, ignorants, dans les ténèbres de notre vaine manière de vivre. Comment est-ce qu'on pourrait se sauver nous-mêmes? Par contre, si c'est Dieu qui sauve, il y a de l'espoir, car qui peut résister son appel? On va lire le psaume 118 ensemble. Je vais parcourir des versets. Hein. Psaume 118, au milieu de votre Bible, plus ou moins. Psaume 118, c'est bon ? Verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours et ce sera répété 5 fois. Verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Et enfin, écoutez ce dernier verset, cité par Pierre dans son contexte, versets 21 à 23. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Il y a donc de l'espoir pour nous, parce que c'est Dieu qui sauve. Et peut-être tu écoutes ça et tu dis, mais alors comment savoir si Dieu veut me sauver? La réponse est simple, demande-lui. Demande-lui pardon pour ta rébellion. Crois en Jésus et tes péchés seront pardonnés. Par contre, si tu m'entends dire, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés, et tu entends ça, et ça te remplit pas de crainte, d'effroi, de peur, alors là, fais gaffe. Crie à Dieu et demande qu'il te donne un cœur transformé. Demande-lui pardon, parce que là, tu es dans le danger. Si tu n'as pas ce cœur qui a peur. Il nous reste deux versets qu'on n'a pas regardés. Versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Quel est le lien avec ce que nous venons de voir? J'ai dû réfléchir un petit peu, hein, j'ai eu du mal, et je pense avoir trouvé. Tout le reste, d'ailleurs ce passage-là, est l'introduction de dimanche suivant, où on va parler de la soumission aux autorités, de la soumission dans le mariage, de la soumission dans nos relations. C'est une introduction à comment annoncer les vertus de celui qui nous a appelés les ténèbres à son admirable lumière. Et c'est aussi une réponse à la question, mais quel sacrifice apporter? Quelles sont nos victimes spirituelles du chrétien? Ces victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est au verset 5 qu'on a vu ça. Ces deux versets et tous les suivants sont ce que nous sommes appelés à faire en tant que communauté de croyants, offrir nos corps en sacrifice. Peut-être vous avez remarqué qu'à moi, une similitude. Je vous exhorte donc, frères, là c'est bien aimé, je vous exhorte, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça vous dit quelque chose ça? Romains 12, regardez les similitudes avec le texte de Romains 12. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Vous voyez, notre sacrifice, c'est nous-mêmes. Chaque jour, nous offrons notre corps à Dieu. Nous sommes sauvés afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est un culte agréable à Dieu par Jésus-Christ. Alors dimanche prochain, on va rentrer plus en détail de comment vivre cela, par quelle force on vit cela. Mais relisons une dernière fois. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir. Vous avez vu comment Pierre aurait pu oublier ce passage et ça aurait encore eu du sens. Bien-aimés, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles. Voilà. Là, il dit comme étrangers et voyageurs sur la terre. On aurait quand même compris ça, mais il voulait nous donner une motivation. C'est comme si je vous donnais le choix entre manger, je trouve, hein, entre manger ce chewing-gum ou ce bonbon. maintenant et vous dire, mais derrière la porte, j'ai un sac rempli pour chacun de vous. Quel choix ? C'est un court instant, le temps que j'arrive à la porte, j'aurai des sacs de bonbons pour vous. Quel enfant serait assez bête pour choisir celui-ci ? À part Peter peut-être. Il me regarde là. Il me regarde. Qui ferait ça ? Et moi je trouve que c'est un bon exemple de ce que Pierre nous dit. On doit souffrir pour un peu de temps. Et ensuite, la gloire éternelle, à tout jamais avec Jésus. Pour un peu de temps, est-ce qu'on choisirait entre un bonbon et un sac rempli ? Dans un instant, évidemment, le choix est fait. Mais remarquez qu'on fait ça tous les jours. Je l'ai encore fait hier, j'ai encore fait aujourd'hui. En échangeant les joies de Dieu pour les joies du péché. On le fait tous les jours. On croit les mensonges de Satan, et on va voir ça à la fin du chapitre 5. On échange les joies que Dieu offre pour les joies éphémères et mensongères du péché. Et c'est pour ça qu'il nous dit, comme étrangers et voyageurs sur la terre, ne vous donnez pas au péché qui vous mène la guerre contre votre âme. Et regardez, dans quelques instants, ce qui est à venir. Tous les jours, nous devons tuer le péché qui vit en nous, sinon c'est le péché qui nous tuera. Ça, c'est Romains 8 qui le dit. Alors, conclusion. J'en ai quelques-unes, des applications pour nous. J'en ai trois. D'abord, louez Dieu qu'il nous a sauvés. Louez Dieu, si vous êtes croyant, qu'il vous a sauvés. Le salut vient de Dieu. Et pourquoi moi et pas un autre ? Je ne sais pas combien de fois ça m'a rempli d'amour et de reconnaissance jusqu'aux larmes. Seigneur, merci de m'avoir sauvé de mon péché. Pensez à cette pierre. Cette pierre, je suis en train de bâtir dessus. Cette même pierre aurait très bien pu me fracasser la tête. Mais Dieu m'a sauvé et il m'a plutôt permis de croire en Jésus. Deuxièmement, nous sommes une communauté de prêtres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, ça m'est venu à la dernière minute. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on a libre accès à Dieu. On n'a plus besoin d'aller dans une église très hiérarchique. On a libre accès à Dieu. C'est vrai, et gloire à Dieu. Mais Pierre met quand même l'importance sur la communauté. On est une nation, on est une communauté de prêtres. On est un peuple. Et aujourd'hui, surtout dans certains mouvements, je lisais encore un journal de jeunes hier, on a cette impression que c'est chacun qui fait sa spiritualité. Et on vient tous à Dieu comme où on est, comme on veut. C'est pas vrai. La vie chrétienne se vit en communauté. Alors, où en sommes-nous avec la vie en communauté ? Quelle place a la communauté pour nous, dans nos vies ? Éphésiens 2:20 aussi dit, on est fondé, et en communauté fondée sur l'enseignement des apôtres et sur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est vraiment fondé sur la parole ? La parole de Jésus, la parole de Dieu donnée par les apôtres, est-ce qu'on est fondé là-dessus ? Et comme on a dit dans Apocalypse de Jean, il y a plein de mentions qu'on est un peuple de prêtres. On a tous libre accès à Dieu, mais on est un peuple. Est-ce qu'on a vraiment cette notion, cet amour ? Regardez comment on est assis, il y a plein de trous au milieu de nous. Est-ce qu'on est un peuple ? Voilà une question. Et troisièmement, nous sommes sur terre pour un peu de temps, avec une mission, annoncer l'excellence de l'éternel Dieu. Sommes-nous des fervents témoins de la grandeur de Dieu, ou avons-nous du mal à nous rappeler qu'on est des étrangers, des voyageurs sur la terre? Pensez au sac de bonbons qui va arriver dans quelques instants, dans un peu de temps. Comment accomplir notre mission? Il faut qu'on aime cette lumière, qu'on puisse vraiment dire que cette lumière est admirable. Est-ce qu'on a ça? Donc c'est trois choses. On peut louer Dieu. Pour moi, c'est un grand sujet de reconnaissance. L'élection de Dieu est un sujet de louange. Savoir que je suis sauvé grâce à Dieu. Merci Seigneur. Deuxièmement, on est une communauté. La communauté a une place importante. Même si j'arrive pas à pisser quelqu'un, la communauté en vie d'église est importante. Est-ce qu'on a ça au centre de notre vie, la communauté? Et troisièmement, on a une mission. Où en sommes-nous dans cette mission? Proclamer l'excellence, les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. Trois choses, on va prier ensemble. Seigneur, tu vois ce texte et ce que tu voulais nous apprendre par le texte. J'espère avoir vu ce que tu voulais qu'on voit. Sinon, s'il te plaît, montre-nous alors qu'on médite encore sur ce texte, les autres choses à apprendre. Et tu vois aussi comment on est amoureux de la vie sur terre. On a tellement du mal à t'aimer. Toi, le seul être qui est excellent et vertueux en toute chose. Seigneur, s'il te plaît, transforme nos cœurs encore aujourd'hui et cette semaine pour qu'on puisse te louer de tout notre cœur, qu'on puisse nous aimer les uns les autres de tout notre cœur et qu'on puisse te proclamer de tout notre cœur. Je demande ça au nom de ton Fils ressuscité. Amen.